du ciel, sa couleur, nos 100 millions d'ennuis matériels. La vie, ses soucis artificiels, mon humeur, jouissons de l'essentiel. Il n'est jamais trop tard pour aller mieux, nous aurons tout le temps de râler quand nous serons vieux. Enfin, puisqu'après tout ça n'est qu'un jeu, oublions les jours passés perdus si laborieux. Viens, foutons-nous de tout, retrouvons la valeur, gardons bien loin de nous le labeur qui ne sert qu'à nous couvrir le corps de sueur. Ne perdons pas nos heures. Jamais trop tard pour aller mieux, nous aurons tout le temps de râler quand nous serons vieux. Enfin, puisqu'après tout ça n'est qu'un jeu, oublions les jours passés perdus si laborieux. Qu'après tout ça n'est qu'un jeu, oublions les jours passés perdus si laborieux.